Romains, chapitre 1, verset 18. Nous avons fait depuis quelques semaines l'introduction à ce merveilleux livre, à ce chef-d'œuvre littéraire. Et nous voulons, Seigneur, le savoir ce que lui pense de nous. Vous savez, ce que les gens savent de nous, en réalité, bien souvent, ce n'est pas ce que nous sommes. Êtes-vous comme moi? Vous avez tendance à vous déguiser, c'est l'Halloween à l'année longue. Avez-vous tendance à mettre des masques? Si vous avez déjà été visiter un psychologue ou avoir eu besoin d'un psychologue pour vous aider, il va vous dire ça. On va essayer d'enlever tes masques. On va essayer d'enlever tes masques. Parce que on a tendance à se cacher. Et savez-vous pourquoi on le fait? Pour être aimé. Pour être accepté. Pour être bien vu. Pour que les gens nous disent, « Hey, c'est quelqu'un de spécial. Un super. Si tu savais. Si tu savais. » La réalité de notre vie, c'est souvent ce que nous cachons. On ne montre pas la réalité, on la cache. Et les gens qui vivent avec nous pendant des années et des années et des années finissent par en découvrir un petit peu plus. N'est-ce pas? Ils finissent par en découvrir un petit peu plus, puis là, ils nous font descendre au moins d'une marche. Ceux qui vivaient au temps de Jésus, qui étaient la crème de la crème, on les appelait les pharisiens. Ils étaient l'apogée de la société, spirituellement parlant. C'était eux qui étaient la référence quand on parlait des choses spirituelles. C'était eux qui étaient les dirigeants des synagogues pour le peuple juif. C'était eux qui enseignaient la parole de Dieu. Et tout le monde qui les connaissait les appelait Rabbi, Rabbi, enseignant, enseignant. Ah, ils savaient donc les choses. Ils étaient des gens très bien vus dans la société. Donc, ils démontraient quelque chose de bien. Et un jour, Jésus a parlé. Ça a été épouvantable. Si vous lisez Matthieu, chapitre 23, ce qu'il dit d'eux autres, ce qui est le pire, en tout cas, moi, ce qui trouve ça pire, c'est qu'il l'a dit en public, devant tout le monde. Ça n'aurait pas été pire, ça n'aurait pas été si pire s'il avait déjà dit aux gens qui étaient en vérité. Hein? Si moi je vous ai déjà dit que je suis un voleur, puis la police vous dit deux minutes après que François est un voleur, je ne suis pas surpris, je ne suis pas déçu, je ne suis pas si mal pris, je vous l'avais déjà dit qui j'étais. N'est-ce pas? Mais on a tendance à cacher qui on est, donc si quelqu'un révèle qui qu'on est, qu'on est mauvaise humeur. Et qu'on ne l'aime pas, cette personne-là. Tu es allé dire aux autres ce que j'ai fait. Tu es allé dire aux autres comment je suis. Tu es allé dévoiler des secrets. Et des fois, quand je suis avec mon épouse et qu'on est ensemble à quelque part, puis si un ou l'autre dit quelque chose sur l'autre que les gens ne savent pas, quand on retourne à la maison, hein, un qui dit à l'autre, « Hey, toi, qu'est-ce que tu as fait de dire ça? Puis pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as blessé, ça m'a attristé, ou en tout cas, peu importe comment on est. Si on est sage, on va le dire tranquillement. Si on est en colère, on va le dire en sautant. En tout cas, peu importe. Mais on n'est pas de bonne humeur. Parce que l'autre a révélé ce qu'on a fait en secret. Dans les trois chapitres qui viennent de l'Épître aux Romains, Dieu va révéler vos secrets. Dieu va révéler qui vous êtes vraiment. Dieu va nous dire à chacun de nous, moi le premier, qui nous sommes dans la réalité. Pas ce que vous montrez aux gens. Je ne vous dis pas que moi je le montre. Pas plus que vous autres, je me cache aussi. Bien des fois, je me cache. Et si vous n'acceptez pas d'un autre qu'on vous dise la réalité à votre propre sujet, permettons au moins au Seigneur de nous le dire. Parce que si je n'accepte pas de vous quelque chose, ça ne me condamnera pas. Mais si je n'accepte pas ce que le Seigneur me dit, ça va me condamner. N'est-ce pas? Donc, que le Seigneur puisse nous aider dans les semaines qui vont venir. trois, quatre semaines, cinq, six semaines, je ne me souviens pas comment ça va nous prendre de temps, qu'on puisse accepter ce que le Seigneur va dire à notre sujet. Ne vous battez pas avec le Seigneur. Ne vous obstinez pas avec le Seigneur. Acceptez-le. Seigneur, c'est ce que je suis. Même si vous ne le réalisez pas encore. Même si ça vous semble tellement... Mais ça, ça se peut pas. Je me souviens quand j'avais enseigné ça à la sœur, il y a des gens qui m'ont dit, mais François, ça se peut pas qu'on soit si pire que ça. On refuse d'accepter ce que le Seigneur montre dans la réalité. Ce qui va nous aider à l'accepter, c'est qu'on devrait se rappeler qu'on est aimé quand même. Si vous seriez certain que votre conjoint vous aime à 100%, vous pourriez lui dire tout ce que vous vivez. Et vous n'auriez pas peur. Pourquoi vous ne lui dites pas? Vous êtes bien certain qu'il ne vous aime pas tant que ça. Vous êtes bien sûr qu'il ne vous aime pas tant que ça. C'est pour ça que vous lui cachez un paquet d'affaires. Parce que vous avez peur qu'il ne vous aime plus si vous lui dites tout ce que vous savez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous vivez à l'intérieur, toutes les mauvaises pensées qui vous passent par la tête. Vous ne les dites pas aux autres parce que vous avez peur d'être rejeté. Mais le Seigneur, même si vous lui dites tout ce que vous vivez, il ne va jamais vous rejeter en tant que son enfant. C'est pour ça que je suis content, on prend le repas du Seigneur. Là, il nous dit qu'il nous aimait. Il nous a dit qu'il nous aimait. Par la foi, on s'attachait à Jésus-Christ. Par la foi, on était sécure pour l'éternité. On n'a rien, on n'a pas d'avoir peur. Puis là, il nous survit et il nous dit qui qu'on est. Il nous aime encore. Ça ne changera rien. On va aller avec lui pour toujours. Il ne s'en ira pas. Et il ne nous retournera pas le dos. Et il ne nous donnera pas les coups de bâton. Les coups de bâton ont été donnés déjà à quelqu'un d'autre, à votre place. Ils ont été donnés à Jésus-Christ, les coups de bâton. Il ne nous en donnera pas à nous. Donc, acceptons ce qu'il va nous dire dans les semaines qui vont venir. Vous avez déjà probablement entendu aussi des phrases comme ça en tant que chrétien. Ouais, bien, lui, il n'a jamais entendu parler du Seigneur. Mais ces gens-là, dans le fin fond de l'Afrique, à quelque part, ils n'ont jamais eu la Bible, ils n'ont jamais vu un missionnaire. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui n'ont jamais entendu? Dans les chapitres qui vont venir, on va répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui arrive avec ma vieille grand-mère qui est morte au Québec, qui n'avait jamais vu un évangélique de sa vie? Qui n'a jamais lu la Bible? Puis on lui avait dit de ne pas lire la Bible. On l'interdisait de lire la Bible. Qu'est-ce qui est arrivé avec elle? On va voir ça dans les chapitres 1, 2, 3. Parce que la Bible, elle va répondre à ça. Et ça va vous donner des mots de tête un petit peu. Ça m'en a donné à moi, en tout cas. Ça m'en donne encore. Parce que je ne comprends pas toutes les choses à 100%. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que moi dans sa façon de penser. Moi, des fois, je vois même une forme d'injustice. C'est juste ma foi qui me fait croire que Dieu est toujours juste dans tout ce qu'il fait. Des fois, dans ma logique à moi, ça ne semble pas logique. Pourquoi ça ne semble pas logique? Parce que ma logique n'est pas correcte. Ma logique est prisée par le péché. Ma logique ne fonctionne pas bien. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas capable de comprendre la logique de Dieu. On va regarder ensemble que... Dieu considère tous les êtres humains. Au verset 18, si vous voulez bien. On va juste lire le verset 18. Qui veut lire bien fort? Vous pouvez lire à partir de là, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Ou dans votre propre Bible. Voilà. C'est ce que nous allons étudier ce matin. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire quoi? Dieu considère que l'homme a la vérité à quelque part. Parce qu'ils la retiennent captive, c'est parce qu'ils l'ont. On pense qu'ils ne l'ont pas, on pense qu'ils ne l'ont jamais eu, on pense qu'ils ne l'ont peut-être jamais entendu. Mais il dit bien que Dieu, sa colère va se révéler contre l'homme parce que l'homme retient la vérité cachée. On va voir ça ensemble. Pourquoi est-ce que ça? On va voir, à partir du verset 9, un paquet de « car ». Hein? « Car ». Quand vous voyez le mot « car », ça vous dit que la réponse à ce qu'il vient de dire. Dieu, sa colère va s'abattre sur les hommes. Car, là, il donne des réponses. À cause de, j'ai laissé mon char du long du chemin, car il n'y avait plus de gaz, ou à cause qu'il n'y avait plus de gaz, parce qu'il n'y avait plus de gaz. On donne des raisons. Et Dieu va dire ici, la colère de Dieu se révèle contre tout être humain qui pêche. Parce que l'être humain sait la vérité, mais il la cache. Il sait la vérité, mais il la cache. On va voir à partir du verset 18 jusqu'au verset 21 que la révélation de Dieu, elle est universelle. La révélation de Dieu, elle est universelle. Bien avant qu'aucun missionnaire, à n'importe où, la révélation de Dieu était déjà là avant le missionnaire. Bien avant que la Bible soit écrite ou copiée sur des livres, personne ne pouvait dire, « Ah, moi je ne savais pas! » Elle était déjà chez eux, la révélation. Regardez à partir du verset 19 jusqu'à 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, c'est la raison, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? La révélation de Dieu est universelle. Il dit, si vous regardez alentour de vous les œuvres de Dieu, ou les œuvres, n'importe quel être humain qui s'arrête et regarde la nature, est obligé d'arriver à un point et de dire, d'où est-ce que ça vient, ça? D'où est-ce que ça vient, tout le monde qui a été créé? D'où est-ce que je viens, moi? Vous pouvez prendre n'importe quelle approche, que ce soit l'évolution, la création, les extraterrestres, vous arrivez à toujours la même question. D'où est-ce que ça vient, tout ça? Mon gars, un jour, me dit, « Papa, si je peux te prouver qu'il y a des extraterrestres, toute ton histoire de Bible, ça tombe à rien. » Je dis, « Ben non, mon garçon, j'ai encore la même question. Quelle question? D'où est-ce qu'ils viennent, les extraterrestres? » Ça ne change rien à ma question. S'il n'y a pas d'extraterrestres, je me demande, « D'où est-ce qu'ils viennent, les hommes? » Hein? Ça revient à la même question. C'est toujours d'où est-ce que ça vient, ce monde dans lequel on vit. « Oh, ça vient des atomes. » Mais d'où est-ce qu'ils viennent, les atomes? Ah, ça vient du Big Bang. Où est-ce qu'il vient, le Big Bang? Où est-ce qu'elle vient, cette matière-là? Où est-ce qu'elle vient, ce gaz-là? Qui l'a mis là? Ah, mais là, on ne sait pas. Voilà. Tout ce qui a été créé, peu importe qu'est-ce qui a été créé, a besoin d'un créateur. Ça, c'est la logique humaine. Je vois un ordinateur, mais je comprends qu'il y a quelqu'un qui a formé l'ordinateur. Si je vais dans un bois, puis je rentre dans la forêt, puis du coup, je vois du long d'un arbre une série d'armoires, je dis pas, « Ah! Le tonnerre a tombé sur un arbre, ça a fait des armoires, par hasard. » On dit pas ça, hein? Si on voit des armoires, on va conclure intelligemment, logiquement, qu'il y a eu un ébéniste qui a fait les armoires. Si je trouve une montre à terre, je dis pas, « Oh, par hasard! » Non, on dit, « Il y a eu un horloger. » Pourquoi maintenant est-ce que quand on voit la création, on dit que c'est le hasard? Il n'y a pas d'hasard. Il y a un créateur. Il y a un créateur. Et Dieu dit, plus vous allez étudier ce que vous voyez autour de vous, même quand vous regardez dans le miroir, la plus grande révélation ou la plus grande création, c'est l'être humain. D'où est-ce que je viens, moi? Je suis beaucoup plus qu'un arbre. Je suis beaucoup plus qu'une roche. Je suis beaucoup plus qu'une masse de gaz, je suis beaucoup plus qu'une masse de roche. Je trouve ça des fois difficile à comprendre qu'on peut dire, bon, il y a eu une masse de roche, de matière, puis il y a eu une masse de gaz, ça a explosé, ça a fait des êtres humains. Tu as des sentiments. Comment est-ce qu'une roche peut devenir avoir des sentiments? Comment est-ce que du gaz peut devenir avoir des sentiments? Par l'évolution, mais tout de même, on est obligé d'admettre qu'il y a un créateur. Ici, il dit, Dieu dit dans les passages, il dit, la connaissance est chez tous les hommes. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que quand vous allez dans les pays où ce que, qu'on appelle non civilisés, des fois je me demande si on ne devrait pas inverser ça à l'envers, des fois. Je me demande, là-bas, eux, quand ils nous regardent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent peut-être que c'est nous autres, les non civilisés. Regardez-la bien. Même s'ils n'ont jamais entendu l'Évangile, ils vont se créer des dieux qui ont créé un monde. Lisez les vieilles histoires des vieux peuples dans le monde entier. Ils vont dire que, si c'est ici, ils ne l'appellent pas Dieu Jéhovah, ils vont l'appeler autrement, mais il y a un Dieu qui a créé un monde, à quelque part. Ils sont obligés, parce que dans la logique, c'est comme ça que ça marche, l'être humain. La logique. Donc, ne nous justifions pas et n'essayons pas de justifier les gens dehors de nous. Les gens ont toute la connaissance qu'il y a un Dieu qui existe. Le verset 18 nous dit qu'ils la retiennent captive. Ils l'empêchent de la vérité d'agir. Ils l'empêchent de fonctionner. Ils l'empêchent d'être, de se manifester, de travailler. C'est la, Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous n'avez pas entré, vous n'avez pas utilisé la vérité et vous avez empêché les autres d'entrer dedans. Comment est-ce que de chefs religieux qui ont trompé les gens, des fois très volontairement, ils ont caché la vérité aux autres. Et Dieu nous dit ici, considère, assis-toi. Je me souviens d'avoir lu le témoignage d'un homme une fois qui était un biologiste. Il s'est assis un moment donné, non, un botaniste, c'est ça? Bio, c'est l'étude du talent humain. Un botaniste, il s'est couché et il a étudié une fleur, une petite fleur, juste une petite fleur. Il s'est converti en étudiant une petite fleur. Et c'est impossible que le hasard ait fait ça. Il n'a tenu pas la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance qu'il y avait un Dieu qui l'avait créé. Il a trouvé l'Évangile après ça. Tout être qui s'arrête et regarde la création est obligé d'avouer qu'il y a un Créateur. S'il le nie, ce n'est pas parce que le Créateur ne s'est pas révélé. Donc, le fin fond du bois, dans la ville de New York, au Québec, tout le monde, que ce soit l'an 2000 avant Jésus-Christ ou 2000 après Jésus-Christ, ils ont toute la nature devant eux autres et ils savent qu'il y a un Créateur. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas le savoir. OK? Du verset 21 jusqu'au verset 25, le problème, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils l'ont connu, Dieu. Mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur corps sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les ayant livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Il dit, au lieu de glorifier, de remercier celui qui a créé toutes choses, l'être humain s'en est détourné. En tant que non-chrétien pendant des années, je ne remerciais pas Dieu pour tout ce qu'il avait créé. Oh, j'essayais de le manipuler pour arriver à mes fins. J'essayais par mes prières ou par mes bonnes actions de l'emmener à faire ce que moi je voulais. Et quand ça allait mal, j'étais loin du rendre grâce. Je le maudissais parce que ça allait mal. J'étais loin de le bénir. J'étais loin de le glorifier. Et si vous écoutez les programmes de télévision qui parlent de la nature, on n'entend presque jamais, un temps en temps, rarement, qu'ils vont dire « Dieu a créé le monde ». Ils ne glorifient pas Dieu pour la création. Il glorifie le hasard. La nature, mère nature. Je me suis posé, c'est qui ça, mère nature? Hein? Puis là, je t'ai pas dit, mais c'est qui la mère de la mère? Je me dis ça souvent à des gens. Oui, c'est ça la mère nature, mais c'est qui la mère de la nature? Ah ben là, c'est bien pas. Voilà. La mère a-tu un père? Et je pense que la mère a eu un père, et son père, c'était Dieu. OK? C'était Dieu. C'est beaucoup plus facile la logique d'un créateur que la logique d'un pas un créateur. Beaucoup plus facile pour l'être humain. L'homme ne lui a pas rendu grâce, verset 21. L'homme s'est fait des idoles. Vous savez, le deuxième commandement de Dieu qui dit « Tu ne te feras pas d'image taillée. » C'est ça que ça veut dire. « Ne prends aucune créature sur la terre, rien, pour te faire une image taillée avec et de l'adorer, et de t'en faire une idole. » Parce que toutes ces créatures-là, peu importe lesquelles ils sont, tu ne peux pas les prier. C'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas les adorer. C'est de l'idolâtrie. Qui que ce soit que ça voudra, il y a juste un créateur et tous les autres, c'est des créatures. Les anges sont des créatures. Les êtres humains sont des créatures. Tous les êtres sont des êtres humains. Peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est tous des créatures. Et Dieu dit ici, ils ont pris une créature quelconque et en ont fait une idole et ils l'adorent. Dieu appelle ça être sans intelligence. Dieu appelle ça être sans bon sens. Dieu appelle ça de la folie. Tu te souviens dans Isaïe, quand il parle, il dit, le bûcheron part, ça va dans le bois, il prend un arbre, il le coupe, il s'en fait des morceaux, il s'en vient chez eux, il y a enfant, quelques-uns, et il chauffe son poil avec ça. Là, il trouve une bûche, il la met à côté, il la taille, il se fait une statue avec, il se met à genoux, puis il prie. Dieu dit, quelle folie! C'est le même bois que tu as mis dans le feu. Pourquoi maintenant penses-tu que ce morceau de bois-là va t'écouter? La folie pure. Pourquoi penser qu'une créature pourrait nous aider quand le Créateur est là à côté de nous autres et voudrait nous aider, lui? Pourquoi parler à fiston quand je peux m'adresser directement au Père? Hein? Pourquoi? Dieu appelle ça de la folie. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme moi, avez-vous déjà prié des créatures? Avez-vous déjà adoré des créatures? Je l'ai fait pendant des années. Dieu dit, tu étais fou dans ce temps-là, mon olet. Tu étais sans intelligence. Il y en a qui prient les morts. Des gens qui sont comme nous autres, des pauvres créatures comme nous autres. Puis ils s'adressent à leur père mort ou à leur mère mort. Pensant qu'ils vont avoir des exaucements quelconques. Ben non, ils ne nous entendent pas. Ils ne sont pas Dieu. Il y a juste Dieu qui nous entend. S'il est au ciel, il est au ciel, il ne peut pas t'entendre. S'il est en enfer, il est en enfer, il ne peut pas t'entendre. Dieu, si Dieu ne sera pas ici, il ne pourra pas nous entendre. Donc, d'attribuer, de dire que mon Père qui est mort peut m'entendre, c'est lui donner un attribut qui appartient seulement qu'à Dieu. Il y a juste Dieu qui est omniprésent. Mon Père qui est mort n'est pas omniprésent. Donc, il n'est pas partout à la fois. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, mon Père. Soit il est au ciel, soit il est en enfer, mais il n'est pas ici. Il ne peut pas m'entendre. Souvent, je dis aux gens qui prient des êtres humains, je dis, mais comment est-ce que tu savais qu'il était là? Comment peux-tu savoir qu'il t'écoutait? Il y a des saints que des millions de gens prient en même temps. Comment est-ce qu'il fait, ce saint-là, pour l'entendre, toutes ces prières-là? Il n'est pas Dieu. Dieu sait tout ce qui se passe en même temps. C'est pour ça que des millions de gens peuvent prier en même temps, puis entendre tout en même temps. Mais pas un être humain, pas une créature, même angélique. Même un saint ne peut pas entendre 5 millions de gens qui prient en même temps. Juste Dieu qui peut faire ça, parce qu'il est omniscient. Aussitôt qu'on se tourne vers une créature pour le prier ou l'adorer, on en fait un Dieu. Même les gens qui disent, « Oh non, c'est pas un Dieu, c'est pas un Dieu. » Tu n'en fais un Dieu, tu dis qu'il entend tout. Donc, tu en fais un Dieu. Et Dieu dit, « C'est d'idolâtrie, tu ne peux pas faire ça. » Et vous savez, le plus drôle, c'est que l'être humain se fait des idoles juste avec un but. Pourquoi? Pourquoi il se fait pour? James est là. Pour se faire servir par les dieux qu'il a créés. C'est où ça? Quand les Égyptiens se sont fait un dieu du Nil, c'est pas pour rien. C'est pour que le Nil les amène de l'eau pour qu'ils puissent faire leurs affaires. Quand les anges se sont inventés un dieu de la fertilité, la déesse de la fertilité, c'est pourquoi? C'est pour que les vaches donnent des petits, pour que les femmes aient des enfants. C'était pour eux autres qu'ils faisaient ça. Donc quand l'homme s'invente un dieu quelconque, peu importe c'est qui, l'homme se fait des dieux pour se faire servir par ces dieux-là. Ah oui, il leur donne une vache pour un cochon ou de l'argent. Mais c'est pour avoir de quoi? Hein? C'est pour avoir de quoi? Donc Dieu dit, tous ceux qui font ça, je ne peux pas accepter ça. Dieu n'accepte pas ça. J'ai marqué une définition aussi. L'idolâtrie, c'est d'aller vers quelqu'un ou quelque chose pour combler un besoin que Dieu comble ou doit combler. Peu importe vers qui je vais, peu importe vers quoi je vais, si je vais vers quelque chose autre que Dieu, j'en fais une idole. J'en fais une idole. Parce que c'est devait être Dieu qui comble ce besoin-là dans ma vie. Et non pas ma femme, pas mes enfants, pas mon pasteur, pas mon église, pas le voisin, pas la Sainte Vierge, pas Saint-Joseph, pas personne. Je devrais aller à Dieu pour mes besoins. Dieu peut se servir de n'importe quoi d'autre pour les combler ce besoin-là. Mais moi, je vais à Dieu avec mes besoins, n'est-ce pas? Pas aux gens autour de moi. Parce que j'en fais des idoles. Je les demande de combler des besoins que Dieu seul devrait combler. Et qu'est-ce qui est arrivé après ça? L'effet de faire cela, l'effet de se détourner de Dieu et d'aller vers la créature, Dieu il dit au verset 25 et 27, comment est-ce qu'il dit ça? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leur femme a changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel des femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Dieu les a livrés à eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes dans votre vie personnelle avec l'homosexualité, mais Dieu dit ici, c'est quoi? Ce n'est pas le résultat de tes parents. Ce n'est pas le résultat de la société. Et il dit, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Parce que l'homme a adoré des créatures au lieu du Créateur. L'homme est devenu un pécheur. Et l'homosexualité, ça vient du péché. On n'a pas le choix. Oh, on a toutes des grandes explications psychologiques, mais fondamentalement, on est obligé d'arriver à la place de dire que ça vient du péché. Peu importe comment ça va vous prendre d'étapes pour arriver là, ça vient du péché. Même si tu seras venu au monde de même, ça vient du péché pareil. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être de même. Dieu a dit qu'il a créé une femme et qu'il y a un homme. Il dit, allez, multipliez-vous. Et peu importe, à quelque part, ça s'est brisé. Que tu sois venu au monde de même ou que tu sois venu au monde après, comme ça, ça ne change rien. Ça, Dieu dit, je vous ai livré à des passions et sommes. Dieu vous a laissé aller. Dieu vous a laissé, il n'a plus mis de retien et bien. Et l'homme, il s'est en allé dans la débauche. On essaie de justifier ça aujourd'hui. Je voyais ça ce matin, j'ai lu le pancarte en arrière. Elle sème deux femmes ensemble et au grand jour. Vous avez déjà remarqué que c'est là? L'homosexualité sans préjugé. En voulant dire, c'est correct. Pas de problème, c'est correct. Mais c'est pas correct. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus mauvais que nous. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont pires que nous. Non. Je suis en train de dire que c'est un effet du péché. C'est ce que Dieu dit ici. Je me souviens, un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui était homosexuel. Il m'a demandé ce que Dieu en pensait. Et je lui ai demandé de lire ce chapitre-là, Romains 1. Il dit, t'as une Bible chez vous? Va-t'en chez vous, lis le chapitre Romains, chapitre 1, au complet. Lis-les 3-4 fois, et la semaine prochaine, on se rencontre, et tu me dis ce que toi, tu penses du chapitre. Il est revenu, puis il m'a dit, Dieu est contre ça. Il avait compris par lui-même, il n'avait pas besoin d'avoir des grandes explications. Il avait compris. Maintenant, il avait un choix. De le croire ou de le rejeter. N'est-ce pas? Il avait un choix. La Bible nous dit ici que l'homme s'est déshonoré en adorant la créature au lieu du Créateur. L'homme qui avait été placé, lui, l'homme avait été placé au-dessus de toute la création pour en être un gérant. Vous et moi, mes frères et sœurs, on avait été placés par Dieu comme pour dominer le monde entier. On avait été là pour être les gérants du monde par Dieu. Et dans notre folie, on a donné à la créature le droit de nous dominer. Fou, hein, qu'on était? Dieu dit, domine François sur toute la création. Je l'ai mis là pour toi. Je me vire d'abord, puis je prends ce qu'il m'a donné, et je l'adore, puis je deviens son propre serviteur. Dieu dit, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas correct. C'est pas correct. L'homme ne s'est pas... Il s'est détourné de son Créateur. N'importe qui sur la terre qui cherche Dieu, qui dit, il y a un Créateur, puis moi je veux le connaître, ce Créateur-là. Je viens pas du nowhere. Je viens pas de nulle part. Dieu a créé le monde, mais moi je veux le connaître, ce Dieu-là. Je vous garantis qu'il soit dans le fin fond de l'Amazonie, qu'il soit au pôle Nord ou au pôle Sud, qu'il soit n'importe où, Dieu le rejoindra bien, je vous garantis. Dieu va le rejoindre, que ce soit par les ondes radiophoniques, que ce soit par un missionnaire, que ce soit par n'importe quoi, Dieu le rejoindra bien pour qu'il soit sauvé. Parce que Dieu a dit, quiconque me cherche, me trouve. Il dit même ailleurs, je me laisserai trouver par eux. Il y a une traduction un peu comique qui a traduit, je l'enfargerai pour qu'il me trouve. En voulant dire, il va me trouver, il va me mettre de devant lui, puis il va foncer sous moi. Il va me trouver. Si les hommes ne trouvent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne le cherchent pas. Et c'est pour ça le verset 28, il dit quoi? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ouh! Quelle description qui donne de la race humaine. Aimez-vous ça? Pas drôle, hein? Comment Dieu nous voit? Comment Dieu vous voit et me perçoit? Vu que tu ne t'es pas soucié, mon Olette, de me connaître. Pendant des années, je ne me suis pas soucié du tout de connaître Dieu. Dieu nous dit qu'il nous a livrés à notre sens et réprouvés. Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible, Lucie? C'est toi dans ta Bible? La même chose? OK. Sens réprouvé, verset 28. Il les a livrés alors. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. L'intelligence déréglée, ça vous avez dit tout à l'heure, hein? L'être humain, dans sa folie, il se fie à sa folie. C'est comme le fou qui dit, je suis pas fou. Voyons donc, je suis pas fou. L'être humain essaie d'analyser le monde autour de lui, mais son intelligence, elle est déréglée. Ça fait qu'il analyse, puis il dit, « Ah, ah, c'est bleu, mais il ne sait pas qu'il est daltonien. Ah, ah, ça c'est pas mal. Il ne sait pas, lui, son intelligence est déréglée. » Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal, tu dois aller voir celui qui n'est pas déréglé. Puis il y en a un qui n'est pas déréglé. C'est Dieu. Tous les autres, même ta femme, même ton mari, sont tous déréglés. Sont toutes déréglées. Ils ne peuvent pas percevoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Il dit, c'est tous les péchés qui viennent là, ce n'est pas des maladies. C'est pas des maladies, ces péchés-là. Ça vient du fait que l'homme a abandonné son Dieu. L'homme s'est détourné de Dieu vers la créature, au lieu du Créateur. Il y a un verset qui dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Dieu dit ça en Israël. Il dit malheur à l'homme qui appelle le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, on voit les gens autour de nous qui regardent ça et disent ouais, mais Dieu, il n'est pas contre ça. C'est correct, ça. Si je ne fais pas de mal, c'est correct. Si il était consentant, c'est bien. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal? Dieu seul. Tu n'as pas le droit, toi, de t'ingérer et de dire, « Moi, je vais te dire ce qui est bien. » Quand tu commences à dire, « Ça, c'est bien, ça, c'est mal, tu te fais Dieu. » Tu veux ça? Tu te déclares Dieu. « Moi, je sais ce qui est bien, ce qui est mal. » Moi, je vais dire, « Ça, c'est bien, ça, c'est mal. » Tu ne peux pas dire. Quand tu vas en cours, c'est qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Le juge, en avant. Tu es bien beau, si tu es peu haut, même dans ton banc, si lui, il dit coupable, c'est fini. Parce que c'est lui. Et quand Dieu dit que c'est mal, tu as bien beau faire tout ce que tu voudras, stepper, sortir tes gros livres, et expliquer tout ça par toutes sortes d'affaires, Dieu dit, c'est mal. Ou dit, c'est bien. Donc, méfions-nous un petit peu de nous-mêmes. Méfions-nous un petit peu de notre intelligence un peu folle. Il faut avoir référence à la Bible, il faut avoir référence à Dieu pour savoir qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal. Un dernier, en terminant, le verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Quand je t'approuve, je m'approuve. Quand je te dis c'est correct ce que tu fais, je suis en train de me dire à moi, c'est correct. Si je dis c'est mal, je suis en train de me dire que c'est mal pour moi aussi. Donc, en justifiant tout le monde, je me justifié. Quand je dis il n'y a plus de péché, je suis en train de dire je ne fais plus de péché. C'est moi que je défends. C'est moi que je veux protéger. C'est pas toi. C'est pas la société. Je m'en fiche de la société. C'est moi que je veux protéger. Mais en justifiant, pauvre lui, c'est pas de sa faute, c'est la faute de la société. Donc je suis en train de dire, c'est pas ma faute non plus. C'est la faute de la société. Dieu il dit, les choses étranges, ils connaissent le jugement de Dieu. Ils savent que c'est la mort, la conséquence. Mais ils le nient. Ils ne veulent pas l'admettre. Donc l'être humain, c'est ce que nous étions chacun de nous, avant d'être chrétien. On est encore des êtres humains, là, mais sauvés. Mais l'être humain, avant que vous deveniez chrétien, c'est ce que vous étiez. Des gens qui avaient rejeté Dieu. Même si vous étiez le plus pieux de la ville, vous aviez rejeté Dieu. Vous adoriez des créatures au lieu du Créateur. C'est bien souvent vous qui déterminez ce qui était bien et ce qui était mal. Ou vous suiviez des commandements d'hommes, hein? Les 10 commandements de Dieu puis les 7 commandements de l'Église. On suivait les commandements comme étant des choses correctes, mais c'est des commandements d'hommes. Pourquoi ils avaient ingéré là-dedans? Pourquoi ils ont fait des commandements de plus que ce que Dieu avait fait? Ils se sont donné une autorité qu'ils n'avaient pas. Et Dieu vous a laissé aller à votre folie. Il m'a laissé aller à notre folie. Et on a fait toutes sortes de choses épouvantables. On a fait toutes sortes de choses épouvantables qui nous déclaraient dignes de mort. Vous avez commis toutes ces choses? Ingénieux au mal, reporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, querelle, ruseur. Vous avez tous commis ça, n'est-ce pas, ces péchés-là? On a tous commis ça. Il n'y a pas personne qui peut dire ce matin, « Ah, moi, je suis à part des autres. Moi, je suis à part. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas dans la gang. » François, Dieu parle de tous vous autres, mais pas moi. Oh. Dieu parle de tout le monde ici. Tout le monde. Tout le monde. Acceptons-le. J'étais comme ça avant. Mon intelligence était perturbée. Ma folie était là, elle me rongeait. Acceptons-les. C'est Dieu qui nous le dit. Pas facile à accepter, n'est-ce pas? Pas facile. Et si vous pensez qu'on est rendu au bout, on va descendre encore quelques étages dans les semaines qui viennent. Dieu va nous décrire encore d'une façon plus vivide l'être humain pécheur. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu n'as pas caché la vérité à notre sujet. Nous te remercions que tu nous as aimés assez pour nous dire la vérité. Combien d'années j'ai été fou, comme on dit en québécois, fou bien raide. Je m'étais inventé des dieux. Quand ils ont pu faire mon affaire, je me suis même établi comme Dieu. C'est moi qui décidais ce qui était bien et ce qui était mal. Pour que je le réalise, dans ta bonté, tu m'as livré à moi-même. Et tout ce que j'ai vécu, c'est de la douleur, de la souffrance. Parce que le péché ne peut pas faire autre chose que ça. Seigneur, on veut t'avouer ce matin. On veut t'avouer que ce que tu dis à notre sujet est vrai. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin ici qui a de la misère à croire ça, puisses-tu l'aider par ton Esprit Saint? Aide-lui à le comprendre, aide-lui à l'accepter, comme tu nous as aidés, nous. Aide-lui à avouer dans son cœur. Puisses-tu, Seigneur, nous aider maintenant que nous sommes tes enfants, maintenant qu'on a un peu plus d'intelligence à cause de ta parole? Guide-nous. Et aide-nous cette semaine, parmi les gens qu'on va vivre, à les aider à réaliser cela. Oh, avec amour, avec compassion et miséricorde, se souvenant que nous étions bien comme eux avant. Au nom de Jésus. Amen.